comprendre un sondage. Exercice 3. Et voici maintenant notre rubrique Europe. La semaine européenne de la mobilité vient de se terminer. Elle avait pour objectif d'inviter les habitants à découvrir leur ville sans utiliser leur voiture. Écoutons les réactions de plusieurs Européens. Je m'appelle Juliette, j'habite en France, à Lyon. Je me suis inscrite aux visites organisées par des guides conférenciers et j'ai vraiment découvert ma ville autrement. Moi, c'est Pedro. J'habite en Espagne, à Séville. J'ai participé à un pique-nique géant offert par l'école de mon quartier et j'ai vu plusieurs spectacles de rue. Je m'appelle Andreas. J'habite en Allemagne, à Berlin. Moi, j'ai assisté à plusieurs manifestations sportives partout dans la ville. Elles étaient organisées par les associations sportives locales. Moi, c'est Anna. J'habite en Italie, à Bari. Ce que j'ai préféré, c'était le tableau blanc installé sur la place de la mairie. Tout le monde a pu s'exprimer en écrivant sur le tableau.